Je n'ai pas besoin de raison pour être déprimé. Je n'ai pas besoin de gens cons pour m'entourer. J'ai juste besoin de cette fille et de ce garçon. Mais cette fille est en Italie et ce garçon est avec une autre fille. Alors je reste chez moi et je les attends. Je tourne en rond chez moi, le temps ne passe pas. Alors je reste chez moi et je bois. Et parfois je suis bourré, c'est pour m'occuper. Et quand je suis bourré, j'arrête un peu de penser à cette fille et à ce garçon qui sont mes deux seule raison de faire attention à moi. Et c'est assez rigolo, vous direz, de devoir se faire un peu mal pour arrêter d'avoir mal à cause de gens qui veulent pas que vous soyez mal. Car ils tiennent à moi et je tiens à eux, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Car moi, je suis comme ça, je ne parle pas, je ne parle pas, et je bois. Alors, je reste chez moi. Et je bois, et parfois je suis bourré, c'est pour m'occuper.